Chapitre 38, mise en scène et réinvention de l'histoire. Vous pouvez imaginer une discussion avec un ami ou une amie, ou avec Sido. Écoutez l'exemple dans l'enregistrement. Alors, pour l'histoire, nous allons choisir une jeune fille. Elle va avoir 23 ans. Elle va être grande, mince et brune. Elle va avoir les cheveux longs et très noirs. Les yeux noirs aussi. Non. Elle va avoir les cheveux noirs et les yeux verts. Elle va avoir la taille fine, les jambes longues et fines, et les doigts longs et fins, bien sûr. Elle va être très sportive. Elle va faire du deltaplane, du ski, de l'escalade, de l'escrime, de la moto, du cheval, du karaté et de la planche à voile aussi, bien sûr. Elle va être amusante, un peu moqueuse et très intelligente, oui. Elle va avoir l'esprit très rapide. Elle ne va pas être mariée. Tu n'es pas d'accord? Tu n'aimes pas les jeunes filles, tu préfères une dame? Pourquoi? Mais non, les jeunes filles ne sont pas méchantes. Les dames plus âgées sont plus raisonnables, plus sérieuses? Alors tu préfères une dame? Bon. Quel âge est-ce qu'elle va avoir? 54 ans. Et elle va être plutôt petite et un peu forte, pourquoi? Les dames un peu fortes ont bon caractère. Ah, elles sont plus sympathiques, plus sociables et plus sérieuses. Ah bon. Et est-ce qu'elle va être mariée? Non? Divorcée? Est-ce qu'elle va être remariée? Non? Et elle va adorer les chiens. Ah oui, bien sûr. Copyright 1994, Yale University.